Section 36 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 7e. Section 36. Les amours de Gilles, livre 4e. Isabelle, par Louis Morin. Chapitre 9. Le dernier coup de bâton de Pulcinelle. Le lendemain, après l'enterrement, quand les gondoles mortuaires eurent fait la conduite à Paquette jusqu'au champ du repos, Gilles revint chez lui, sans penser, incertain de ce qu'il allait faire, le cœur brisé. La mère Pulcy ne voulait pas le voir. Pauvre bonne femme, elle restait immobile dans son lit et ses larmes coulaient sans relâche. Pulcinelle était venue la voir. Il la considéra un moment, lui prit la main, la serra énergiquement et lui dit tout bas. « Sois tranquille, tu seras vengé. » Que méditait-il donc, le vieux diable? Ses sourcils se crispaient terriblement. Il avait cet air mauvais qui faisait quelquefois trembler ses camarades. Pourtant, comme il sortait de la maison, il rencontra Gilles et passa près de lui sans le regarder. Ce n'était donc pas celui-là qui était l'objet de sa haine. Il s'en alla par la ville, entrant dans les cabarets comme si c'était un jour de fête. Il buvait seul, contrairement à son habitude. Il n'était point allé chercher son ami le docteur. Il buvait des choses fortes, avec l'intention parfaitement arrêtée de se griser. Mais cela n'était pas facile. Il lui avait fallu toute l'après-midi pour arriver à l'état où il désirait être. Alors il rentra chez lui, revêtit son habit de pulcinelle, prit son gourdin qu'il fit horriblement tourner autour de sa tête. Puis il prononça « Je vais aller la corriger, elle. » Elle, c'était Florise. Il monta dans une gondole et se fit conduire au palais du Rio del Orto. Il faisait presque nuit. Il s'emporta, avec de terribles jurements, contre le barcarolle. Le pauvre homme se hâtait, très surpris de la colère furieuse de ce singulier masque. La barque accosta le palais. Les portes étaient ouvertes. Une gondole attendait près de l'embarcadère. Pulcinelle entra et monta l'escalier de pierre. Florise le descendait. Elle était tout amitouflée de fourrure. Quand elle aperçut Pulcinelle, elle s'arrêta, devint toute pâle et poussa un grand cri. « Au secours !» Mais, d'un bond, il fut sur elle. « Je t'avais dit que je viendrais. Oh, ne crains rien. Je ne vais pas te tuer. Je te battrai seulement. Comme Pulcinelle bat les femmes. » Et son bâton s'abattit sur la malheureuse qui s'affaissa en hurlant sous une grêle de coups. Il ne voulait pas la tuer. Cela était vrai. Mais le cruel chagrin qu'il avait de la mort de Paquette ne lui permit pas de mesurer ses coups. Quand les laquais accourus à l'appel de leur maîtresse se jetèrent sur lui, Florise gisait sur les marches dans une mare de sang, assommée. Un quart d'heure après, une troupe de sbires amenait vers les prisons le vieux comédien, dégrisé et épouvanté de ce qu'il avait fait. On n'entendit plus jamais parler de lui, ainsi que le voulait la mystérieuse justice vénitienne. Il est probable qu'il dort quelque part au fond de la lagune, un boulet au pied. Épilogue. Gilles s'en alla. Il fit entrer la mère Pulcy dans un couvent et promit d'envoyer de l'argent pour qu'elle fût soignée jusqu'à sa mort. Puis il prit le chemin de la petite cure campagnarde où s'était écoulée son enfance. C'était tout au fond du duché, au pied des montagnes du Frioul. Pourquoi s'en allait-il là-bas? Pour revoir son oncle, pour se jeter à ses pieds, pour s'en remettre à lui du soin pénible de régler la vie qu'il allait mener à présent. Quoique tout jeune, il se sentait là, comme un homme qui a trop longtemps traîné l'existence. Oh, il n'avait plus d'orgueil. L'aveu de ses fautes ne lui serait pas difficile. Bien au contraire, il trouverait une amère consolation à dire combien il avait péché à celui dont l'amitié lui était restée fidèle. Malgré l'oubli, malgré l'ingratitude, il le savait bien. Mais une dernière douleur l'attendait. Son oncle était mort. Il ne retrouva plus, dans la petite maison des vignes, que la vieille gouvernante qui avait pris soin de sa petite enfance. Elle était très vieille, presque aveugle. Cependant, elle reconnut son Pietro et fidèlement lui remit le petit héritage que le bon prêtre avait laissé entre ses mains, jusqu'au retour de l'enfant prodige, auquel il envoyait, par-delà la mort, son pardon et sa bénédiction. Gilles s'établit dans le pays. Puis, comme tout s'efface, il se remaria, eut des enfants et, peu à peu, oublia Séraphine, Paquette et Florise. Fin de la section 36, lue par Saner Myriam, Savartès, le 30 octobre 2024.